pluriel.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. La première. Il est 11h. Le journal vous est présenté par Maxime Binet. Bonjour. Bonjour à tous. Nos élèves ont du mal avec les maths. C'est ce qui ressort des résultats provisoires du certificat d'études du premier degré, l'épreuve qui se déroule en fin de deuxième secondaire. En mathématiques, à peine 53% des élèves l'ont réussi et le score moyen est de 50,6%. C'est tout simplement le plus faible résultat de ces 5 dernières années. Après le Brexit, on connaît à présent le portefeuille du nouveau commissaire britannique après la démission de Jonathan Hill. C'est Julian King qui intégrera la commission, ça on le savait déjà, mais celui-ci détiendra le portefeuille dédié à la sécurité. Il se penchera donc sur les questions de terrorisme. C'est le président de la commission, Jean-Claude Juncker, qui l'a confié en envoyant une lettre au principal intéressé. Les cas de diabète augmentent, 8% de patients en plus sur ces 4 dernières années. On compte près de 555 000 diabétiques en Belgique, la majorité sont de type 2 et dans 8 cas sur 10, le diabète est lié au surpoids et une diététique inappropriée et cette tendance est loin de se terminer jusqu'en 2030 puisqu'en 2030, on recensera 2 fois plus de cas de diabète. À l'étranger, le putsch manqué du 15 juillet coûte cher à la Turquie. Selon le ministre turc du Commerce, cette tentative de coup d'État a coûté à l'économie du pays près de 90 milliards d'euros. La situation en Turquie a conduit à l'annulation de près d'1 million de réservations de touristes. Pour le ministre turc du Commerce, le coût à moyen terme pour l'économie du pays risque encore d'être bien plus élevé. Et puis des centaines de passagers cloués au sol à l'aéroport de Hong Kong après le passage du typhon Nida. Après une nuit de pluie torrentielle et de rafales de vent atteignant les 151 km/h, la cité-État se réveille endolorie. Au ralenti, les rues sont désertes. Au moins 3 personnes ont été blessées au cours de ces conditions météo dantesques. Et la situation du ciel est encore chaotique. La moitié des vols, environ 500, sont annulés. Très belle journée à tous et merci de nous écouter. Toute l'info est sur rtbf.be. Ça se passe sur la première. Ce soir à 22h. Par Oui Dire. I like to amuse the people. Je crois que mon père c'était un génie. Charlie Chaplin du rire aux larmes. Au fond, il n'y a pas de rire sans drame. Une série en 6 épisodes chaque mardi. Il s'exprime pas seulement avec le visage, mais il s'exprime avec tout le corps. D'ailleurs, il demandait à son caméraman, est-ce qu'on voit mes pieds ? Par Oui Dire. De 22h à 23h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Bienvenue sur la première. Allez, on croque les kilomètres dans Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. La première. Globe Crocker. Avec Benjamin Leupart. Pour dire maman, les lèvres se rejoignent 2 fois. C'est un proverbe corse. Belle matinée sur la première. Il est l'heure de partir puisque c'est l'heure de Globe Crocker. Globe Crocker, c'est le rendez-vous des voyageurs qui changent de vie en chemin. Tous les jours de l'été, et ils et elles viennent nous raconter leur voyage dans leur propre bout du monde. Comme à chaque fois, nos guides ont l'opportunité de déposer sur notre table de désorientation les objets souvenirs de leur voyage. On se mettra aussi dans les oreilles et les musiques d'avant le départ. Et puis les musiques découvertes sur place. On plongera aussi dans l'ambiance sonore de la destination croquée au fil de la lecture de voyage. Bref, c'est Globe Crocker et on reste en Europe avec une voyageuse plongeuse éprise d'une drôle d'herbe, l'herbe de Poséidon, qui ne pousse que sous la mer. Nous partons pour une île que l'on peut mimer en fermant le poing et en relevant le pouce. Un peu d'imagination et ce que vous voyez, c'est la Corse. Globe Crocker. Sur la première. Avec Benjamin Leupart. Nous partons sur une île située à 177 km environ de la Côte d'Azur, 85 km de la Toscane et 12 km de la Sardaigne et d'où résonnent des chants polyphoniques. Bienvenue en Corse. En superficie, la Corse est la 4e île de la Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne et Chypre. Farniente, visite culturelle ou loisirs sportifs, ce joyau insulaire se prête à toutes les découvertes et toutes les expériences. Parmi les plus célèbres, le GR20, sentier de randonnée traversant toute l'île du nord au sud. le territoire corse possède clairement de quoi satisfaire tout type de voyageurs. Montagnes, golfs, baies, plateaux, falaises, réserves marines et plages, parlons-en justement. Celles qui ourlent le littoral passent pour les plus belles d'Europe. Découvrez aussi Bastia, le vieux port et la citadelle dans un superbe site à flanc de montagne. Bonifacio, l'une des plus belles villes de Corse, posée sur des falaises de calcaire. Et puis, après la sieste bien méritée et quasi obligatoire, arrêtez-vous à Calvi, capitale de la Balagne, une des destinations touristiques favorites de Corse. C'est parti pour la découverte. Et c'est avec Sylvie Gobert qu'on va découvrir Calvi et la Corse en général. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes une sacrée vénarde Sylvie, parce qu'il y a un voyage que vous répétez chaque année depuis 25 ans. C'est une sorte de pèlerinage en Corse. C'est un voyage que vous répétez sans cesse parce que vous étudiez la vie des océans là-bas. Là-bas, oui, grâce à mon métier, puisque je suis océanographe. Et chaque année, je pars à Starezzo, en face de Calvi, dans la baie. Starezzo, c'est une station de recherche qui appartient à l'Université de Liège, et c'est là que vous donnez cours de biologie marine. Vous partez chaque année, d'ailleurs vous revenez à peine, il y a quelques mois vous étiez encore en Corse, c'était en fin mai, début juin, et vous avez passé une quinzaine de jours à Calvi, où se trouve cette fameuse station Starezzo. Décrivez-nous cet objet, c'est déjà très très beau comme objet, une station de recherche comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est un endroit exceptionnel, en plein milieu de la baie de Calvi, au bord de l'eau, une architecture fabuleuse, les pieds dans l'eau. Oui, alors architecture fabuleuse, vous avez déposé sur la table de Globe Crocker une photo de la station prise de près, parce qu'il faut dire que cette station disparaît, elle devient invisible quand on la regarde de loin, et pour cause. Oui, puisqu'elle a été construite avec des matériaux qui font que sa couleur est strictement la même que le granit rocheux qui entoure la station. Elle est composée également de colonnes assez anguleuses, ce qui fait un jeu d'ombre qui correspond bien aussi au rocher qui a juste derrière elle. Et vraiment, quand on est dans le port de Calvi, qu'on regarde au loin, on ne voit pas du tout la station Starezzo, qui ressemble quand même à une espèce de base de James Bond. C'est très très grand comme infrastructure. Oui, c'est très grand et ça ressemble un petit peu à une station lunaire posée sur la roche. C'est très agréable d'y travailler. Effectivement, on ne la voit pas, mais elle est les pieds dans l'eau. 15 jours par an, chaque année, ou plus, pour aller mener vos recherches et accompagner des étudiants qui mènent leur thèse. C'est plutôt sympa comme boulot. Il y a plus difficile, effectivement. C'est un endroit où on pourrait se croire en vacances, mais moi j'y vais pour travailler. Donc, on va plonger avec vous tout à l'heure, on va vivre une journée de Sylvie Gobert à Starezzo, à Calvi. Mais avant tout, quand on arrive à Calvi pour la 25e fois, ou en tout cas pour la 25e année consécutive, c'est quoi les premières impressions ? Alors la première chose qui revient toujours, que ce soit par avion ou par bateau, c'est l'odeur du maquis. Il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est une odeur tout à fait particulière, et dès qu'on débarque de l'avion, cette odeur vous prend au nez. Difficile de bouquet garni. Oui, c'est ça, difficile à décrire, un mélange d'herbes, c'est très difficile à décrire, mais c'est une odeur très reconnaissable. Chaque fois qu'on y va, on la ressent de vous nouveau. Vous y allez à chaque fois à la même période de l'année ? J'y vais plusieurs fois par an, mais chaque année, j'y vais toujours fin mai, début juin, oui. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous arrivez à Calvi, c'était en 1991, vous arrivez pour votre première mission, qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans vos yeux ? Alors, les yeux complètement ébahis, parce qu'on arrive en avion, sur cette baie bleue, à fleur de montagne, donc très haut en altitude, et en même temps, on est au bord de l'eau, cette odeur... la nature, on est envahi par la nature parce que finalement il n'y a pas tellement de villes, enfin, ça a l'air magnifique. On va suivre votre mission scientifique pour l'Université de Liège dans la suite de Globe Crocker, mais d'abord on va se mettre dans vos oreilles. Juste avant de partir, quand vous pliez vos bagages, vous écoutez ça. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Bohemian Rhapsody, évidemment, Queen. Et pourquoi alors, Sylvie Gobert, il n'y a aucun rapport avec la Corse ? Strictement aucun, sauf que finalement cette chanson est un mélange de rythmes, un peu comme la Corse, un mélange de trucs différents, de la montagne, du sable, des forêts, des torrents. Et dans la chanson de Queen, il y a aussi un mélange de rythme. D'accélération. Oui, c'est ça. Il y a du relief. Oui, tout à fait. On peut dire que l'île de beauté, comme on l'appelle, elle est constituée de montagnes, hein, du nord au sud, ou plutôt du sud au nord. Et on appelle ça de la moyenne montagne, mais vu de la mer, évidemment, c'est assez escarpé. Ah, c'est quand même assez haut, hein. Ça atteint presque 3000 mètres de hauteur. Et pas loin, quand on part en bateau, on atteint 3000 mètres, enfin, plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc on a vraiment d'un côté la montagne, qui descend, et ça descend très vite en profondeur, en tout cas sur la côte ouest. Et quand vous plongez sur la côte ouest, vous êtes très rapidement à quelques mètres au bord de l'eau, vous êtes à 40 mètres de profondeur. Eh oui, c'est très très accidenté. Alors, notre petite habitude, hein, les voyages et les voyageurs ont leurs petites habitudes, c'est de se mettre dans les oreilles aussi la musique qu'on écoute sur place. Et là, vous avez immédiatement pensé à ceci. Alors on s'attendait un petit peu à Imouvrini, mais on ne s'attendait pas à ce duo. Il n'est pas tout seul là, Imouvrini. Ah non, il n'est pas tout seul. Il est avec quelqu'un de bien chez nous et qui chante en wallon. Donc un mélange de Corse et de wallon, c'était un joli clin d'œil. C'est William Dunkerque qui chante avec Imouvrini. Il faut peut-être un peu tendre l'oreille parce qu'on ne reconnaît pas de la première écoute. Mais effectivement, un duo invraisemblable entre William Dunkerque et Imouvrini, ça vous fait sourire ça? Oui. Je trouve ça assez comique. C'est un peu le trait d'union qu'il y a entre chez nous et, voilà, et, oui. Et là-bas. C'est un peu ce que vous faites à longueur de vie de chercheuse à Star Réseau, donc cette station de recherche en océanographie et en biologie. On va, dans la suite, hein, on va vraiment vous plonger avec vous, mais votre spécialité, c'est quoi en recherche là-bas? En recherche, c'est les herbiers de Posidonie. Donc c'est fameux. Voilà, la fameuse plante à fleurs qui pousse sous la mer. Donc les herbiers de Posidonie, ce sont des herbes, donc des algues, hein, des herbes marines c'est vite, des algues, ça pousse en grandes prairies et vous passez votre vie à chercher là-dedans ce qui se passe. À quoi elle sert cette herbe? Alors on peut lui attribuer tous les mêmes rôles qu'une forêt sur Terre. Donc elle produit de l'oxygène, elle maintient le sédiment. Elle sert d'abri et de nourriture à toute une série d'organismes, de poissons, des petits crustacés, donc des petites crevettes, des oursins, des étoiles de mer qui viennent s'y réfugier, qui viennent manger. C'est pour ça, c'est parce qu'il y a tout ça à voir et à filmer que lors de votre dernier voyage, vous étiez accompagné d'un copain de la maison, Tanguy Dumortier. Et oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée pour le Jardin Extraordinaire par Tanguy Dumortier qui a filmé l'herbier et qui va pouvoir dans quelques temps d'ailleurs vous le commenter en images. Ça en dit long sur la qualité de l'environnement qui a autour de cette presqu'île, hein, de Star Réseau, se trouve quasiment sur une presqu'île. C'est une presqu'île, effectivement, la presqu'île de la Revelata. Et donc pour y aller, il n'y a pas de route, c'est une piste. Et la station est au bout de cette presqu'île, au bout de cette piste, et on est presque comme sur un bateau, mais sur terre. C'est ça, c'est un peu la proue de la Corse, quelque part. Voilà, c'est ça. On va y arriver à Star Réseau dans quelques instants, et on va chausser nos palmes avec vous et descendre sur ces herbiers de Posidonie dans la suite de Globe Crocker. Mais là, on regarde la mer, si vous voulez bien, avec Beech Tree Falls. C'était sur l'album What Went Down en 2016. Beech Tree Falls, c'était en 2016 et nous, on est en Corse et on va aller à l'eau. Globe Crocker sur la première. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas ! Oh, il est beau le chevreuil ! Oh oui ! Ou bien dans un bon restaurant ? Il est bon le chevreuil, hein ? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Avec vous, Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre First Service est disponible pour moins de 15 euros par mois. 14,99 € pour être exact. C'est quasi rien. Nix. Nadal. Bref, se passer de vous, Sport World, ce serait être out. Alors pour en profiter, pas de hasard. Allez vite vous renseigner dans une boutique vous sur vous.be ou 0800 800 25. Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous, Sport World. Offre soumise à condition. Cet été, la première prend l'air. Prochaine escale, vendredi à Esperanza. Je vous donne rendez-vous entre 19h et 22h depuis le festival Esperanza. Didier Mélon. Je recevrai des artistes, nous écouterons des extraits de concerts, nous rencontrerons le monde à notre façon. Esperanza. La première prend l'air en direct d'Esperanza, vendredi entre 19 et 22h. La première avec Benjamin Leupart. Globe Crocker. Et avec Sylvie Gobert en tant que guide, Sylvie qui est zoologiste et qui allait chaque année depuis 1991 à Starézo, la station de recherche en océanologie de l'ULG. On est au nord de Calvi, sur la presqu'île, dans les rochers un peu ocre comme ça. Et on va vivre avec vous, si vous voulez bien, une journée type. Et il y en a plus d'un qui devrait être très très jaloux. Alors ça, c'est quoi une journée type pour vous ? Alors, une journée type pour moi, en fait, ça commence par enfiler mes chaussures de marche. Oui, puisque je loge dans le phare, qui est sur la presqu'île, et qui est à peu près 100 mètres au-dessus de la station. Donc, vous vivez quand même dans un phare ? Oui. C'est un peu énorme, ça, au niveau de... Vue sur mer de tous les côtés, en plus. Donc, j'enfile mes chaussures, et puis je descends jusqu'à la station. Et vous levez les yeux ? Et je lève les yeux, je vois en descendant le Monte Cinto. Le Monte Cinto qui est le point culminant de la Corse, qui est à peu près à 3000 mètres, et qui est, au mois de mai, encore couvert de neige. Donc je suis au soleil et je vois la baie de Calvi et en face de moi les neiges du Monte Cinto. Et vous êtes entouré par le Grand Bleu. Par la Méditerranée, quelquefois mer transformée en un grand lac, ou quelquefois sous les vents avec une forte houle. Ça peut se déchaîner hein, très fort. Hein. Oui, la Méditerranée est souvent imprévisible. Alors, quand vous arrivez à Starézo, vous arrivez dans cette architecture très découpée, très en relief de la station de recherche. Vous emmenez peut-être l'un ou l'autre de vos étudiants et vous partez comment en mer ? Alors, j'ai pas besoin de partir en mer. Je suis à Starézo et je suis sur le quai. Sur le quai, j'enfile mon matériel de plongée. Alors jusque-là, tout va bien. Ce qui est un peu plus cocasse, c'est quand je commence à préparer mon matériel. Mes seringues, mes carottes pour prélever sédiments et tous mes sachets pour mettre tous mes échantillons. Et puis, je suis à 3 mètres de la cuisine et je saute dans l'eau et je vais chercher mes échantillons. Vous avez déposé sur la table de Globe Crocker quelques objets, dont un objet qui ressemble un tout petit peu à une montre de science-fiction des films des années 80. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est mon ordinateur de plongée qui n'est pas tout neuf, C'est pour ça, alors, le côté vintage. Voilà, oui, c'est ça. Il est vintage, donc il a une petite vingtaine d'années. Et il m'a suivi pendant toutes mes plongées à Starezo, durant toutes mes recherches précédentes. Mais ça veut dire que les herbes qui vous fascinent et que vous étudiez avec cet ordinateur qui se porte apparemment au poignet, elles se trouvent juste à côté de la station ou vous devez palmer un peu pour y aller ? On va dire un peu, allez, 5 mètres. Oui, quand même. Ah oui, c'est de la bonne expédition. C'est vraiment sportif. Non, en fait, on a une chance énorme, c'est que le site est préservé et tout est dans le port même de Starezo. Et donc, on peut y aller tout le temps, quelle que soit la météo, on peut descendre, faire nos prélèvements et on a accès à 40 mètres de profondeur en palmant quelques minutes. On va un peu se rendre compte de l'importance de cette herbe. Vous dites, la plupart des choses qu'on met dans notre assiette, évidemment quand elles viennent de la mer, dépendent quelque part de cette fameuse herbe de Posidonie que vous étudiez. On a du mal à se rendre compte, mais c'est le cas. Oui, parce que tous les poissons ou tous les crustacés que vous connaissez, le homard, si vous mangez du denti, c'est un poisson corse qui est délicieux, eh bien, ces animaux, à un certain moment, soit viennent se reproduire, soit viennent chasser au-dessus de l'herbier. Et s'il n'y a plus d'herbier, ils n'auront plus de quoi se nourrir, et donc, vous n'aurez plus rien dans votre assiette. Et c'est pour ça que vous allez vous planter la tête dans ces herbiers monumentaux. C'est très très grand, hein. C'est un tapis qui ressemble à une prairie. C'est une prairie qui va de la surface jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et donc, moi, je suis le nez dedans, dans ces feuilles qui font à peu près un mètre de hauteur, et je passe toutes mes plongées, le nez dans mes feuilles. Donc, en gros... C'est quand même dingue de se dire que vous vous rendez dans l'île de Beauté pour finalement vous retrouver la tête dans la prairie. Oui. Mais comme vous disiez, il y a une faune et une faune, très très grouillante là-dedans. Ah, il y a toutes sortes de trucs de toute taille. Alors ça va de du petit crustacé qui fait quelques millimètres au thon qui fait 1,50 m. Ah oui, mais vous plongez seul ou bien vous faites face à ce genre de rencontres à plusieurs ? Je plonge avec d'autres personnes, donc on est obligé de toute façon de plonger à deux, en équipe. Alors, c'est vrai que tout à l'heure vous disiez, le relief est très accidenté en Corse. On a souvent l'impression que la Méditerranée, c'est un peu un lac intérieur entre l'Afrique et l'Europe, un peu pas trop profond, mais... C'est là qu'il faut un petit peu remettre les points sur les i, même si vous êtes à 5 mètres de la cuisine de la station Starezo, d'accord. Mais si vous palmez un peu, ça plonge sévèrement. Vous disiez, ce qu'on voit dehors, en fait, se passe dedans. Oui, donc et si on prend un bateau, il suffit de faire quelques kilomètres de navigation pour se retrouver dans ce qu'on appelle un canyon, qui est à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ah oui. Directement aux abords, donc ce que vous voyez à l'extérieur... Eh ben, c'est strictement ce qui se passe en profondeur. Et alors vous, avec votre super ordinateur des années textiles, des années passées, vous plongez à quelle profondeur pour étudier ? Entre 0 et 40 mètres de profondeur. Oui, c'est largement suffisant. Oui, ça va. Je ne descends mais pas. Mais vous levez parfois la tête ou vous allez un peu plus loin ? Il faudrait que je prenne l'habitude de lever de temps en temps la tête pour pouvoir admirer tout ce qui se passe autour de moi, parce qu'il y a une faune et une flore absolument fabuleuses. Donc on peut voir régulièrement des mérous, des barracudas, des bandes barracudas de 40 cm qui nous tournent autour alors que je suis le nez dans mes feuilles. Vous n'êtes jamais surprise, genre vous sortez la tête du gazon, hein, quelque part c'est un peu ça, et vous retournez et puis il y a quelqu'un qui vous observe, enfin quelque chose ou un poisson. Si, ça m'est arrivé une fois, donc j'étais en plongée, j'entendais des drôles de bruits, mais j'étais trop absorbée par ce que je faisais, et puis les gens m'ont dit « t'as vu ?» T'as vu quoi ? Et vous communiquez ? Vous avez des radios ? Non, en fait, en sortant, on me demande « t'as vu ?» Ah oui, pardon. Et en fait, il y a un dauphin qui m'avait tourné autour et j'avais senti quelque chose, mais bon, est-ce lui ? Je ne le saurais jamais. Est-ce que quelqu'un a immortalisé le moment ? Non, personne. Mais enfin, Tanguy du Mortier. Dans la suite de Globe Crocker, on va un peu aussi sortir de l'eau, mais on va aussi palmer un peu plus loin dans les fonds marins corses, puisqu'on est là avec vous, Sylvie Gobert, du côté de Calvi et de la station Starezo. Ce sera juste après L'Aventurier, tiens, un peu comme vous, de Jacques Dutronc, en 1969. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup pour linguer. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai

un recteur de l'Université de Liège. Et qui, c'est lui qui, dans les années 50, a décidé de développer l'océanographie à l'Université de Liège. Et vous avez vu, il parle de votre chez vous, hein, de votre phare. C'est ça. Et donc, dans les années, fin des années 60, il va faire des repérages. Et finalement, il se tourne vers la Corse. Et c'est cet endroit, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'il en décrit. Oui, la Revelata, c'est ce qu'il en décrit. Et il décrit cet endroit comme étant magnifique. Ce qui est toujours le cas. Et il l'a choisi pour ses qualités, parce qu'il trouvait que c'était un endroit qui, à l'époque, était déjà très peu pollué. Et cette qualité est conservée actuellement. Et donc, nous travaillons en plein milieu de la Méditerranée, dans un endroit magnifique, qui garde des conditions pristines. C'était une autre période, évidemment. Il y avait beaucoup plus de puissance financière, évidemment, derrière une décision d'un recteur d'université, parce qu'il fallait la construire, cette station Star Réseau. Oui, parce que la presqu'île, comme il le dit, il n'y avait rien dessus, à part le phare. Il n'y avait même pas de route. Donc, il a fait ni une ni deux. Ben, il a fait construire une route. Et on ne le savait pas, hein, ça, que c'était les Belges qui avaient un peu sculpté le nord de l'île de Beauté. Voilà, il y a un bout de Belgique, là-bas au bout, fou, avec notre station. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a lancé le fameux département d'océanologie à l'ULG. C'est ça. Et c'est comme ça qu'à Liège, on forme des océanographes, alors qu'on n'a même pas, à l'Université de Liège, les pieds dans l'eau, sauf à partir de la Corse. Et sauf que vous, vous les avez tout le temps, chaque année, quand vous partez en expédition. Là, on était avec vous, les pieds dans l'eau, c'est le cas de le dire, puisqu'on était en pleine prairie, en plein herbier de Posidonie, ce qui est votre spécialité. Et si on pousse un petit peu l'analyse de cette herbe, qu'est-ce qui la rend si fantastique? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre que la protéger? Alors, pour l'instant, maintenant, on ne peut plus rien en faire, puisqu'on connaît tous ses rôles. Mais il y a bien longtemps, dans l'Antiquité, on utilisait ces feuilles comme rembourrage pour les oreillers, pour les matelas. Et c'était réputé anti-petite bête, probablement anti-acarien. C'est dingue, ça. Oui, il l'utilisait aussi pour isoler les maisons et pour en faire des chaussures. Alors, pour les gens qui auraient déjà fait un peu de snorkeling, les herbiers de Posidonie, c'est un peu stressant quand même, quand on survole à la palme ces zones, on se dit, il y a un truc qui pourrait surgir de là, c'est un peu sombre aussi, ça vous fait pas peur ça? Ben non, parce que je sais qu'effectivement il y a des poissons ou même des poulpes qui vivent dedans, mais bon, c'est pas des organismes qui agressifs. Sont agressifs. Alors on en voit aussi des herbiers de Posidonie lâchent quelques brins d'herbe qui viennent à la surface de l'eau et sont ramenés par les vagues sur la plage. Et ça donne ces grands tapis d'herbe séchée. Eh ben, on peut pas y toucher, paraît-il. Non, non. Donc, elle perd ses feuilles, comme nos arbres. L'automne. Voilà, elle perd ses feuilles à l'automne. Et ses feuilles s'accumulent sur les plages. Et bon, au départ, on pourrait penser que c'est un peu désagréable de nager et de marcher là-dedans. Mais ça colle parfois, hein, quand ça on sort. Ça colle, oui, c'est vrai. Hein, sur le maillot, et puis c'est pas très élégant d'avoir une feuille de Posidonie collée sur le front quand on sort de l'eau. Mais en fait... C'est du vécu, ça, non? Sur le masque. mais en fait, on s'est rendu compte que ces tas de feuilles avaient un rôle de protection des plages, à tel point qu'actuellement, certaines plages, eh bien, on les retire en été, ces feuilles, et puis à l'hiver, on les remet quand les touristes sont partis. C'est ça, oui, parce que ça fait moins joli sur les photos en voilà, été. Et donc, exactement. Du coup, on les remet parce que ça permet aux plages de ne pas être érodées. Vous nous avez apporté, non pas un bouquet d'herbes de Posidonie, parce que sinon, ça tombe, hein, ça reste une algue, mais il y a un objet sur la table qui ressemble un peu à quoi? La laine non tissée en forme de boule. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une boule de fibres de Posidonie, et donc c'est un peu fibreux, effectivement. En fait, c'est ce qui reste quand les feuilles ont été dégradées. Et donc, ces feuilles dégradées, il ne reste plus que les fibres qui sont roulées sur le fond et qui finissent par former des petites boules comme ça. Alors, de la grandeur, celle-ci est de la grandeur d'une balle de ping-pong. J'allais dire d'un cochonnet, puisqu'on est en Corse. Voilà. Mais vous pouvez avoir des boules qui ont 10 à 15 cm de donc diamètre. Donc, c'est sculpté par la mer, cette petite c'est chose. C'est ça, oui. C'est pas du tout un œuf de quelque chose ou le reste de quelque chose. C'est simplement un travail de la mer. Oui. Vous qui passez votre vie à Star Réseau, vous dites, en fait, je ne vois pas grand-chose de la Corse. Oui, je ne vois pas grand-chose de la Corse parce que je débarque de l'avion, j'arrive à la station et puis je prends un maximum de temps pour me consacrer à ce que j'y fais. C'est un peu comme si on allait dans une magnifique forêt et que toute la journée, vous êtes le nez sur le tronc et vous ne voyez pas ce qui se passe dans la forêt. Je suis un petit peu honteuse, oui. Dans la suite de cette émission Globe-Crocker, qui est consacrée à la Corse et à Calvi en particulier, on va quand même essayer d'en faire le tour de cette île. On va partir avec vous dans un périple autour de la Corse et en Zodiac. Comme ça, vous pourrez quand même nous décrire l'est, l'ouest et le sud de la Corse. Mais tout de suite, c'est Alani, Old Fashioned Kiss, c'était en 2016. Alani qui sera en concert le 7 août prochain à l'abbaye de Floreffe. Just an old-fashioned kiss. It gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek. It makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard. Make it slow, make it sound. A cheek to cheek. Me in the park, smooch me up in the taxi, and those lingering hugs. You got me in paradise, and I'm feeling alone. So much love, and you give me the just as long as you keep me close. Old Fashioned Kiss Alani qui sera en concert donc le 7 août prochain dans le cadre du festival Esperanza. On retourne en Corse en compagnie de Sylvie Gobert. Cet été, la première prend l'air. Ce samedi, cap sur le Brussels Summer Festival. Depuis le Mont des Arts, Claudine Fink vous propose une émission spéciale entre 20h et minuit. La première prend l'air. Vibrez au son du Brussels Summer Festival ce samedi sur la première. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec la RTBF et le loto. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Infos et réservations, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster, avec la première, la une et la Libre Belgique. La première, avec Benjamin Leupart, Globe Crocker. On ne peut pas parler de la Corse et et simplement rester le nez dans les herbes de Posidonie, qui est votre spécialité scientifique et que vous étudiez au nord de Calvi, dans la presqu'île de la Révélata, Sylvie Gobert, vous avez quand même à un moment donné succombé à la tentation de faire des recherches à bord d'un petit bateau. Oui, alors il y a le tour du monde en ballon et il y a le tour de Corse par Sylvie Gobert en Zodiac. À quoi ça ressemble ? Alors, c'est assez compliqué parce que je n'ai pas mis beaucoup pied à terre. Il ne faisait pas très beau. Donc on est parti, on était quelques plongeurs et on est parti de Calvi pour faire le tour de Corse, pour aller vers le Cap Corse et ainsi faire le tour de l'île. On devait faire des prélèvements réguliers tout autour de la Corse. C'était du boulot encore. Oui, encore du boulot, oui. Donc, des plongées, 3-4 plongées par jour pour aller faire des stations. Et puis, arriver à l'hôtel, dodo, se lever, remonter dans le Zodiac et puis continuer les prélèvements. Alors, il faut bien décrire le fait que les côtes Est et Ouest sont très différentes en Corse. Oui, donc... Du côté de Calvi, donc la côte ouest, ce sont des côtes extrêmement accidentées, avec des grandes falaises, de belles petites criques. Et puis, dès que vous passez le Cap Corse et que vous redescendez de l'autre côté sur les côtes est, là, ce sont de grandes plages. Et d'ailleurs, pour trouver 40 mètres de profondeur, vous devez être loin, loin des côtes. Ah oui, l'inverse. Alors que de l'autre côté, vous voyez les gens qui sont sur la route. C'est ça. Et alors vous descendez vers le sud, hein, vous commencez par repasser le Cap Corse, ensuite vous descendez le long de la côte ouest, la plus accidentée, avec les magnifiques criques que l'on peut voir. Et à un moment donné, quand même, vous allez frôler la mort. Oui. En fait, nous devions passer auprès des îles Sanguinaires. Donc ça, c'est tout à fait dans le sud-ouest. Oui, c'est ça. Et donc, nous avions décidé de commencer la journée et d'aller faire des prélèvements. On monte dans le Zodiac et puis on se rend compte que les vents sont très forts. Et à un certain moment, on veut passer dans une passe et on se rend compte que la houle est vraiment, vraiment très, très forte. On parle de creux de combien, là, par exemple ? On était dans des creux de 1,50 m, 2 m sur notre petite embarcation. Et, oui, qu'on se dit, un Zodiac, c'est tout petit quand même pour faire le tour. Le Zodiac, il faisait 6 mètres de long. Ah, c'est quand même un grand Zodiac. Ouais, oui, on était 4 ou 5 dessus. D'accord. Et donc, finalement, on se dit, mais on passera jamais. On va pas passer, donc on discute, on papote. Oui, mais si on passe pas, on perd du temps, donc on n'arrivera pas à faire nos prélèvements. Et à un certain moment, on était un petit peu distrait. Tout d'un coup, on se retourne tous du même côté et on voit une déferlante qui nous arrive dessus. Tout le monde a crié « Il est temps qu'on agisse !» Et là, on a remis le moteur en route et on a décidé de faire demi-tour. Et foncer vers la côte. Et de faire le prélèvement par l'autre côté. Donc là, Sylvie Gobert, toujours vivante, c'est bien. Lors de ce tour en Corse, on reste du côté ouest. Comment on pourrait décrire la côte vue de la mer ? Donc on a dit qu'elle était accidentée, qu'il y avait des criques, mais parmi ces criques, il y a par exemple des criques qui sont uniquement accessibles par la mer. Oui, des grandes falaises de basalte où on ne peut accéder qu'effectivement de la route, il n'y a pas moyen. Donc il y a des criques qui sont accessibles uniquement par la mer. Oui, on ne peut y arriver que par bateau et il n'y a pas moyen de descendre le long de la côte à pied. Alors les fameuses couleurs, ces roches qui plongent dans l'eau, parce qu'on parle des îles Sanguinaires, on imagine bien qu'elles doivent être dans les rouges. Mais même la côte, à un moment donné, la côte de la Corse elle-même est rouge, rougeoyante. Rouge et même à certains endroits noir dans les côtés basaltiques. Donc on a vraiment une diversité de couleurs le long de ces côtes, avec des grandes falaises, quelquefois un nid de faucons, d'aigles pêcheurs, pardon. Vous en avez vu ? Oui, donc ce sont des oiseaux là, qui sont tout au-dessus des falaises, dans leur nid, on les voit pêcher, et puis ils retournent dans leur nid pour nourrir la femelle. Voilà, et à un moment donné, dans ces falaises et ces rochers qui plongent dans l'eau, on change de couleur. À un moment, elles sont rouges, à un moment, elles sont blanches. Et quand elles sont blanches, c'est un petit truc, c'est qu'on est à Bonifacio, dans le sud. Et là, vous remontez, mais c'est pas facile pour vous, hein. Ah non, il est temps qu'on rentre, parce que moi, j'adore la mer, mais la mer ne m'aime pas. En tout cas, mes oreilles ne l'aiment pas. Mm-hmm. Et donc, je suis tout le temps malade en mer. Petit problème d'équilibre. Oui, donc je suis malade. Mm-hmm. Entre chaque plongée, je suis malade. dès qu'on s'arrête de naviguer. C'est très gentiment dit, en fait, vous nourrissez les poissons. Hein. C'est une ça, autre façon oui, de dire. Ouais. On rappelle que vous êtes quatre dans un zodiaque qui a beau faire 6 mètres et demi, il fait ce qu'il peut. Oui. ça fout une ambiance de dingue. Vous remontez parce que vous avez quasiment tous les échantillons qu'il vous fallait. En mangeant notre chocolat et nos boîtes de thon. Oui, je comprends. Oui, mais vous cherchez aussi, un petit peu. Ben oui, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut aller le plus vite possible. Et donc à bord, on embarque du chocolat, de l'eau et des boîtes de thon. Et tout ça, c'est un régime de 4 jours ? 4 jours pour faire tout le tour. Ça paraît très peu quand même. Oui, sous une pluie battante. On met le masque pour ne pas avoir la pluie dans les yeux, puisqu'on navigue quand même assez vite entre les points. Ah, c'est ça, les 4 jours, d'accord. Oui. Vous arrivez, vous remontez vers Calvi, parce que là, vous avez tous vos échantillons. Est-ce qu'ils reviennent en Belgique, ces échantillons, ce qui n'est pas facile à dire, ou bien vous les analysez sur place ? Alors, il y a une partie des choses qu'on peut faire sur place. Donc, on peut faire des mesures, des comptages sur place. Et puis, une autre partie des échantillons, on les congèle directement et on les ramène à Liège pour y faire des dosages. Et vous, là-bas, à Starrezo, qu'est-ce que vous faites comme manipulation ? Alors, on mesure essentiellement les conditions physiques de l'eau. Donc, par exemple, on mesure la température, la salinité, ou alors on mesure les concentrations en éléments nutritifs qui sont contenus dans l'eau. On les prélève de l'eau dans des petits pots, et puis on les met dans le bateau, dans un frigo, et puis on les ramène à Starrezo avant pour les doser. Est-ce qu'on ne vous regarde pas un peu comme des extraterrestres quand vous faites des choses comme ça Parce que quand même, l'île de Beauté est très très fortement fréquentée par des touristes qui viennent pour d'autres raisons et qui vous voient prendre des petits pots d'eau, des éclats, des carottages de sable et des choses comme ça. Je crois qu'on nous prend pour des fous. À tel point que le fameux tour de Corse, là, nous avons été contrôlés 2 fois. Puisqu'il faisait tellement mauvais que... C'est pas possible d'aller en mer un temps pareil. Voilà, exactement. Et en plus, Zodiac qui va vite... Avec des Belges à bord qui mangent du thon et du chocolat, c'est bizarre. On va poursuivre notre découverte de la Corse et de Calvi à la station Starrezo avec notre guide de la matinée qui est Sylvie Gobert, experte en herbier sauvage sous-marin. Juste une petite pause, le temps de se remettre de ce tour de Corse chahuté au coin du monde, Kerenan, en 2002. Lumière soit comme le premier jour du premier. coin du monde, à deux pas de chez toi, à deux pas de chez moi, que la lumière soit. Au coin du monde, c'était Kerenan en 2002, Kerenan qui sera en concert le 10 décembre, on a le temps, et ce sera au Théâtre 140 à Bruxelles. Nous, on est à Calvi, en Corse, et encore pendant quelques instants, alors on en profite. Globe Crocker. Sur la première, avec Benjamin Leupart. Et on le voit, hein, ce petit Zodiac qui va très très vite et qui revient de son tour de Corse chahuté, sous la pluie battante et avec des scientifiques malades qui mangent du chocolat et du thon. On est content de remettre le pied à terre, non ? Oui, oui, on peut... Enfin, on n'est plus malade et on peut aller manger un petit bout. Oui, c'est ça. Enfin, le temps de se remettre, hein, quand même. Oui. Vous sentez que Starezo, c'est un peu la maison ? Oui, oui, quand j'y rentre, je suis contente. Ça fait 25 ans hein, que oui. Vous fréquentez cette station de recherche. Donc j'imagine qu'après ces péripéties, très drôles, vous avez l'impression de retourner à la maison. On se remet un peu, mais justement, puisque vous parliez de nourriture, on a envie de partir avec vous sur un marché, par exemple, et relever ou pointer quelques-uns des produits locaux que vous avez pratiqués. Alors, comme vous disiez que la Belgique a un petit peu sculpté le nord de la Corse et un peu de Belgique du côté de Calvi, avec cette station Star Réseau, on va parler bière corse, comme ça on voit un peu le lien avec la Belgique. Moi j'en connaissais une, mais il y en a plusieurs apparemment. Oui, alors il y en a quatre qui sont vendues couramment. Donc la Serena, qui correspond à notre bonne vieille Jupiler. Hein. Alors ils ont beaucoup de produits aromatisés à la châtaigne. Et donc la Pietra, c'est une bière qui est aromatisée à la châtaigne. Alors il fallait évidemment faire une bière aromatisée à la myrte. Alors, on peut décrire cet arbre, la myrte et ce fruit. La myrte, c'est un petit arbuste qui vit dans le maquis et qui fait des petites baies. Et c'est ces petites baies qui sont utilisées pour aromatiser la bière, mais aussi pour aromatiser votre poulet, si vous voulez. Par exemple, c'est un peu la couleur des myrtilles. Oui, c'est plutôt vers le bleu foncé. Hein. Mais ça ne peut pas se manger cru. Non, c'est uniquement... C'est super amer, oui, oui. Mais on peut s'en servir pour aromatiser une bière. Et la quatrième, c'est ? Alors, il y a la Colomba qui est aromatisée aux herbes du maquis. Ah, le fameux maquis, celui qui vous prenait au nez dès que vous descendiez de l'avion en début de mission chaque année. Ça, c'est pour ceux qu'on boit, on est sur ce petit marché. Vous avez le temps de faire le marché à Calvi ou pas ? Ça arrive de temps en temps, oui. Ou vous envoyez les stagiaires et les étudiants. Non, c'est un plaisir aussi de parcourir. Oui, bien sûr, il y a quand même des produits locaux qu'il faut aller chercher et qu'il faut savoir déguster. Alors, pour savoir déguster, par exemple, certains de ces produits, il faut un couteau. Vous avez votre couteau, vous ? Un couteau corse. Oui. Oui, donc avec un manche en corne de chèvre ou de bouc. C'est, hein? c'est un couteau de berger ? Un couteau de berger, donc il n'y a pas de cran d'arrêt. Donc c'est super dangereux. C'est uniquement fait pour couper son saucisson. Non, en fait, c'était pas des couteaux avec cran d'arrêt. Et donc, voilà. C'est très beau, les couteaux corse. Oui, oui. Et vous en servez, par exemple, pour couper quoi, vous ? Pour couper la figatelle. La figatelle. Qu'est-ce que c'est quoi ? Alors, c'est une sorte de saucisse, mais n'allez pas dire ça en Corse. Non. Donc, c'est une saucisse. Pourquoi on ne peut pas leur dire ? Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise que ça ressemble à une saucisse. Pourtant, ça ressemble bien à une saucisse. Mais bon, voilà. Et c'est fourré au foie de porc, avec un peu de lard, de l'ail. Et ça se mange soit cru, soit grillé. Et c'est fumé aussi. Alors, il y a le fameux cochon aussi. Hein. Alors, le cochon ou le sanglier. Hein, et donc les cochons corses, enfin les sangliers corses ont cette particularité qu'ils ne sont pas les mêmes que chez nous. Ils ont plus de chromosomes. Ah oui, c'est la scientifique qui revient. Qu'est-ce qui se passe avec ces cochons alors ? Alors ils sont chassés bien évidemment à la période de la chasse et ils sont mijotés et mangés dans des espèces de pot-au-feu avec un petit peu d'olive, de la sauce tomate. Ça a l'air bon ça. Hein. Oui. Et ces chromosomes, ils en font quoi ? En quoi ils sont différents ? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que ça les rapproche plus de notre cochon à nous. C'est ça. Donc, il est rose. Oui, et donc vous avez des sangliers qui se reproduisent avec des cochons en Corse. Ah oui. Il y a également un métier très très particulier. Enfin, il est très connu là-bas, très répandu, mais moins connu chez nous, on imagine moins. C'est berger de cochons. Parce qu'on fait, on emmène, pas dans les alpages, puisqu'il n'y a pas d'alpage, mais en altitude en tout cas, les cochons pour les nourrir au gland. Et donc il faut les berger pour les y conduire. Oui, puis vous avez les veaux corses. Les veaux corses, c'est alors, bon ça. Les veaux corses qui ont une viande plus rose que nos veaux à nous. Et donc les gens ont toujours tendance un peu à la cuire comme de la viande rouge. Et en fait, non, il faut la mijoter, sinon elle est trop dure. Vous ne seriez pas un peu cuisinière, vous, Sylvie Guibert? Ça m'arrive de temps en temps. Ouais, hein. Et vous cuisinez corse? Ça m'arrive aussi, donc le veau corse, je peux le faire. Bien, avec l'accent et tout, c'est bien ça. Bon, ça c'était pour le menu un petit peu, hein, ce qu'on mange là-bas. Est-ce qu'on pourrait parler de quelques-uns des bons plans pour les gens qui voudraient, des jeunes, hein, comme vous l'êtes et comme vous l'étiez en 1991 aussi, lorsque vous arrivez, des bons plans pour aller découvrir la Corse et ses fonds marins? Alors, si vous êtes jeune... Et que vous voulez découvrir les fonds marins, ben un bon plan, c'est de faire vos études à l'université de Liège pour y faire l'océanographie. Oh, la pub. Et donc? Et donc, vous verrez la Corse et vous viendrez à Starezzo. Pour les moins jeunes, bon, la Corse est quand même l'île de beauté et elle porte bien son nom. Et donc, vous pourrez y découvrir, que ce soit en bateau, puisque c'est une île, donc vous devez venir en bateau ou en avion, mais vous pourrez y découvrir la mer, la montagne, les plages de sable, les falaises, vous baigner dans des cascades, aller à la montagne dans des stations de ski, tout ce que vous voulez faire, vous pourrez le faire en Corse. Alors, question, est-ce que vous y retournez parfois en dehors du boulot? Ou vous avez l'impression d'aller au boulot quand vous allez en Corse? Non, non, en fait, je n'y vais que pour le boulot, mais je ne me dis pas, zut, je vais encore aller travailler. Je me dis, chouette, je vais en Corse. Ah, il y a une petite différence avec le boulot, le métro et tout ça. Est-ce que, on aime bien poser la question dans Globe Crocker à nos visiteurs de la matinée, est-ce que vous diriez que ce voyage ou ce chapelet de voyage vers la Corse a changé votre vie? Changer ma vie, non. Quoique, finalement, je fais ce dont j'ai toujours rêvé. À 12 ans, j'ai rêvé de faire l'océanographie, c'est beau, ça, je l'ai fait. Je fais un métier que j'adore et que j'apprécie. J'ai la chance de travailler dans un endroit magnifique. Effectivement, je fais régulièrement des déplacements à l'étranger qui rythment ma vie. Mais ces petits côtés négatifs de contraintes sont largement compensés par l'endroit merveilleux dans lequel je vais travailler. Eh ben, merci Sylvie Gobert pour la balade en Corse, les plongées et le Zodiac, hein, même si pour vous c'était pas un très bon souvenir. On vous souhaite de continuer à tracer ce trait d'union entre les fonds marins corse et l'université de Liège. Merci beaucoup. Demain, Globe Crocker poursuit son tour du monde hebdomadaire. On change donc de continent, on change d'histoire. Tout de suite après la météo, vous retrouverez le forum de midi avec Fabrice Lambert. À demain, que vous soyez ici ou ailleurs. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. La première, la météo. Très belle journée à tous. Cet après-midi, la partie active de la zone de pluie va se décaler vers l'est et le sud du pays. On pourra encore avoir quelques bonnes averses là-bas. Ailleurs, on aura plutôt un ciel gris avec quelques faibles pluies, voire seulement de la bruine. Les maxima sont trop bas pour la saison, entre 16 et 20 degrés seulement. Ce soir et cette nuit, le vent soufflera assez fort au littoral. On gardera un ciel chargé avec encore quelques faibles averses. Les minima iront de 14 à 18 degrés. Demain matin, on va rester dans cette atmosphère grise et humide. Dans la journée, on pourra retrouver un temps plus sec sur l'extrême nord du pays ainsi qu'à la mer. Ailleurs, en revanche, les averses se feront à nouveau plus soutenues. On pourra avoir quelques degrés de plus demain puisque nous aurons 18 à 23 degrés. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876.